Mais causez, causez d'allon, si c'est ton seul occupation. Mais fais bien attention, pas de otaru, barres, couillon. Mais causez, causez d'allon, si c'est ton seul occupation. Mais fais bien attention, pas de otaru, barres, couillon. Mais causez, causez d'allon. Un message pour toute cette psychose d'ondo. Pour dire que c'est l'hypocrisie, il emmènera pas être loin. Car cette psychose est si les êtres, mais c'est qui coule dans le fond. Ça tu vois pas que cette jalousie, il sert à rien. Mais d'allons tester chacun son vie, arrête occupé. Ou bien allons réfléchir avant de parler. Dis à moi après tout, nous l'équipe pour juger. Comme il dit, mais préfère laisser ça dans la main bondi. N'a bon pili bon rec pour ça. Rien pour faire lundi la paix. Mais si ça l'était amitié, n'a bon pour se rémunérer. Les causes, mais lui réfléchis pas. Pour être intéressant, va rajouter. Va aller défendre la vérité. Laissez réprès pour trahir son frère. N'a bon pili bon rec pour ça. Rien pour faire lundi la paix. Mais si ça l'était amitié, n'a bon pour se rémunérer. Les causes, mais lui réfléchis pas. Peut-être intéressant va rajouter, va aller déformer la vérité. Lui serait prêt pour trahir son frère. Trahir son frère. Licose, licose, licose, li arrête pas. Mais souvent des fois là les rouvres les poudis n'importe quoi. Mes histoires ton dallon salaud frère nous l'a pas Alexa. Chacun fait son train dans son coin, il vaut mieux comme ça. Soit disant ton dallon mais ec nous t'y cause dans son dos. Tira baisse à l'irote, fais pas ça les peaux info. Mais c'est là que nous toutes nous à ton vilain défaut. Fais attention caresse tout ça va retomber d'ici ton dos. N'a bon pili bon rec pour ça. Rien pour faire lundi la paix. Mais si ça l'était amitié, n'a bon pour se rémunérer. Les causes mais lui réfléchis pas. Pour être intéressant va rajouter. Va aller défendre la vérité. Lui serait prêt pour trahir son frère. N'a bon pili bon rec pour ça. Rien pour faire lundi la paix. Mais si ça l'était amitié, n'a bon pour se rémunérer. Les causes mais lui réfléchis pas. Pour être intéressant va rajouter. Va aller défendre la vérité. Lui serait prêt pour trahir son frère. Trahison frère. Mais causez, causez d'allons. Si c'est ton seul occupation. Mais fais bien attention. Car de ou ta roue va reste couillon. Mais causez, causez d'allons. Si c'est ton seul occupation. Mais fais bien attention. Car de ou ta roue va